Second chapitre. 2 ans, durant lesquels je travaillais avec plus de fruits, s'écoulèrent sans que je revisse Laura. Elle avait été passer ses vacances à la campagne, et au lieu de l'y rejoindre, j'avais été forcé de suivre mon oncle dans une excursion géologique en Tyrol. Enfin, Laura, plus belle et plus aimable que jamais, reparut un jour d'été. « Eh bien, me dit-elle en me tendant les deux mains, tu n'es pas embellie, mon brave Alexis, mais tu as une bonne figure d'honnête garçon qui fait qu'on t'aime et qu'on t'estime. Je sais que tu es redevenu parfaitement raisonnable et que tu es resté laborieux. Tu ne casses plus les vitrines de la collection avec ta tête sous prétexte de te promener dans les géodes d'améthyste et de gravir les pics escarpés du quartz hyalin laiteux. Tu vois qu'à force de te les entendre répéter durant ta fièvre, je sais les noms de tes montagnes favorites. À présent, tu deviens mathématicien. C'est plus sérieux. Je veux te remercier et te récompenser par une confiance et par un don. Sache que je me marie et reçois mon cadeau de noces avec la permission de mon fiancé. » En me parlant ainsi, d'une main, elle me désignait Walter, de l'autre, elle passait à mon doigt la jolie bague de cornaline blanche que j'avais vue si longtemps au sien. Je restais abasourdi, et je n'ai aucune idée de ce que je pus dire ou faire pour exprimer mon humiliation, ma jalousie ou mon désespoir. Il est probable que tout se concentra en moi au point de me faire paraître convenablement désintéressé, car lorsque j'eus recouvré la notion de ce qui m'environnait, je ne vis ni mécontentement, ni raillerie, ni surprise sur les bienveillantes figures de mon oncle, de ma cousine et de son fiancé. Je me jugeais quitte à bon marché d'une crise qui eût pu me rendre odieuse ou ridicule, et j'allais m'enfermer dans ma chambre avec la bague que je plaçais devant moi sur ma table et que je contemplais avec l'amère ironie qu'exigeait la circonstance. Ce n'était pas une cornaline vulgaire, c'était une pierre dure, fort jolie, veinée de nuances opaques et translucides. À force de les interroger, je sentis qu'elle s'étendait autour de moi, qu'elle remplissait ma petite chambre jusqu'au plafond et qu'elle m'enveloppait comme un nuage. J'éprouvais d'abord une sensation pénible, comme celle d'un évanouissement. Mais peu à peu, le nuage s'allégea, s'étendit sur un vaste espace et me transporta mollement sur la croupe arrondie d'une montagne où tout à coup il se remplit au centre d'une vive irradiation d'or rouge qui me permit de voir Laura assise près de moi. « Ami, me dit-elle en me parlant dans cette langue connue d'elle seule, qui avait le don de se révéler à moi subitement, ne crois pas un mot de ce que je t'ai dit devant notre oncle. C'est lui qui, voyant que nous nous aimions et que tu étais encore trop jeune pour te marier, a imaginé cette fable pour t'empêcher de te distraire de tes études. Mais sois tranquille, je n'aime pas Walter et je ne serai jamais qu'à toi. » « Ah, ma chère Laura, m'écriai-je, te voilà donc enfin redevenue brillante d'amour et de beauté, comme je t'ai vue dans l'améthyste. Oui, je crois, je sais que tu m'aimes et que rien ne peut nous désunir. D'où vient donc, dans notre famille, tu te montres toujours si incrédule ou si railleuse ?»« Je pourrais te demander aussi, répondit-elle, pourquoi dans notre famille je te vois laid, gauche, ridicule et mal vêtu, tandis que dans le cristal tu es beau comme un ange et drapé dans les couleurs de l'arc-en-ciel. Mais je ne te le demande pas, je le sais. Apprends-le-moi, Laura, toi qui sais tout, donne-moi le secret de te paraître à toute heure et partout tel que tu me vois ici. Il en est de cela, mon cher Alexis, comme de tous les secrets des sciences que vous appelez naturels. Celui qui les sait peut vous affirmer que les choses sont et comment elles sont. Mais quand il s'agit du pourquoi, chacun donne son opinion. Moi, je veux bien te dire la mienne sur l'étrange phénomène qui nous place ici, vis-à-vis l'un de l'autre en pleine lumière, tandis que, dans le monde appelé le monde des faits, nous ne nous voyons plus qu'à travers les ombres de la vie relative, mais mon opinion ne sera rien autre chose que mon opinion, et si je te la disais ailleurs qu'ici, tu me regarderais comme une insensée. Dis-la-moi, Laura, il me semble qu'ici nous sommes dans le monde du vrai et qu'ailleurs tout est illusion et mensonge. » Alors la belle Laura me parla ainsi. « Tu n'ignores pas qu'il y a en chacun de nous, qui habitons la terre, deux manifestations très distinctes en réalité, quoiqu'elles soient confuses dans la notion de notre vie terrestre. Si nous en croyons nos sens bornés et notre appréciation incomplète, nous n'avons qu'une âme, ou, pour parler comme Walter, un certain animisme destiné à s'éteindre avec les fonctions de nos organes. Si, au contraire, nous nous élevons au-dessus de la sphère du positif et du palpable, un sens mystérieux, innommé, invincible, nous dit que notre moi n'est pas seulement dans nos organes, mais qu'il est lié d'une manière indissoluble à la vie universelle et qu'il doit survivre intact à ce que nous appelons la mort. Ce que je te rappelle ici n'est pas nouveau. Sous toutes les formes religieuses ou métaphysiques, les hommes ont cru et croiront toujours à la persistance du « moi ». Mais mon idée, à moi qui te parle dans la région de l'idéal, c'est que ce « moi » immortel n'est contenu que partiellement dans l'homme visible. L'homme visible n'est que le résultat d'une émanation de l'homme invisible, et celui-ci, la véritable unité de son âme, la face réelle, durable et divine de sa vie lui demeure voilée. Où est-elle et que fait-elle cette fleur de l'esprit éternel, tandis que l'âme du corps accomplit sa pénible et austère existence d'un jour? Elle est quelque part dans le temps et dans l'espace, puisque l'espace et le temps sont les conditions de toute vie. Dans le temps, si elle a précédé la vie humaine et si elle doit lui survivre, elle l'accompagne et la surveille jusqu'à un certain point. Mais elle n'est pas sous sa dépendance et ne compte pas ses jours et ses heures au même cadran. Dans l'espace, elle est certainement aussi dans une relation possible et fréquente avec le moi humain. Mais elle n'en est pas l'esclave et son expansion flotte dans une sphère dont l'homme ne connaît pas les bornes. M'as-tu compris ? « Il me semble que oui, lui répondis-je, et pour résumer ta révélation de la façon la plus vulgaire, je dirais que nous avons deux âmes, l'une qui vit en nous et ne nous quitte pas, l'autre qui vit hors de nous et que nous ne connaissons pas. La première nous sert à vivre transitoirement et s'éteint en apparence avec nous, la seconde nous sert à vivre éternellement, et se renouvelle sans cesse avec nous, ou plutôt c'est elle qui nous renouvelle et qui fournit sans s'épuiser jamais à toutes les séries de nos existences successives. « Que diable écris-tu là ? » s'écria près de moi une voix âpre et discordante. Le nuage s'envola, emportant avec lui la rayonnante figure de Laura. Et je me retrouvai dans ma chambre, assis devant ma table, et traçant les dernières lignes que Walter lisait par-dessus mon épaule. Comme je le regardais avec stupéfaction, sans lui répondre, « Depuis quand, ajouta-t-il, t'occupes-tu de biaisées philosophiques, si c'est avec ce nouveau genre d'hypothèse que tu prétends avancer dans la science pratique, je ne t'en fais pas mon compliment. Allons, laisse ce beau manuscrit et viens prendre place au repas de mes fiançailles. » « Est-il possible, mon cher Walter, lui répondis-je en me jetant dans ses bras, que, par amitié pour moi, tu te prêtes à une feinte indigne d'un homme sérieux? Je sais fort bien que Laura ne t'aime pas et que tu n'as jamais songé à être son mari. Laura t'a dit qu'elle ne m'aimait pas ? » reprit-il avec une tranquillité railleuse. « C'est fort possible, et quant à moi, si je songe à l'épouser, ce n'est pas depuis longtemps, à coup sûr. » Mais ton oncle a arrangé cela de longue main avec son beau-frère absent, et Laura n'ayant pas dit non, j'ai dû consentir à dire oui. Ne crois pas que je sois épris d'elle, je n'ai pas le temps, moi, de mettre mon imagination en travail pour découvrir dans cette bonne petite personne des perfections fabuleuses. Elle ne me déplaît pas, et comme elle est fort sensée, elle ne m'en demande pas davantage pour le moment. Plus tard, quand nous aurons vécu des années ensemble et que nous aurons associé nos volontés pour bien mener notre ménage et bien élever nos enfants, je ne doute pas de la bonne et solide amitié que nous aurons l'un pour l'autre. Jusque-là, c'est du travail à mettre en commun avec l'idée du devoir et le sentiment des égards réciproques. Tu peux donc me dire que Laura ne m'aime pas sans me surprendre et sans me blesser. Je serais même surpris qu'elle m'aimât, puisque je n'ai jamais songé à lui plaire, et je serais un peu inquiet de sa raison si elle voyait en moi un Amadis. Vois donc, toi, les choses telles qu'elles sont, et sois sûr qu'elles sont telles qu'elles doivent être. » Je trouvai Laura parée pour le dîner. Elle avait une robe de taffetas blanc de perles à ornements de gaze rosée qui me rappela confusément le ton doux et chaud de la cornaline, mais sa figure me sembla abattue et comme éteinte. « Viens me donner confiance et courage, » me dit-elle avec franchise en m'appelant à son côté. « J'ai beaucoup pleuré aujourd'hui. Ce n'est pas que Walter me déplaise, ni que je sois fâchée de me marier. Je savais depuis longtemps qu'on me destinait à lui, et je n'ai jamais eu l'intention de devenir vieille fille. » Mais le moment venu de quitter sa famille et sa maison est toujours pénible. Sois gaie pour m'aider à oublier un peu tout cela, ou parle-moi raison pour que je redevienne gaie en croyant à l'avenir. » Combien le langage et la physionomie de Laura me parurent différents de ce qu'ils étaient dans le nuage émané de la cornaline. Elle était si vulgairement résignée à son sort que je reconnus bien l'illusion de mon rêve. Mais, chose étrange, je ne sentis plus aucune douleur à l'idée qu'elle épousait réellement Walter. Je retrouvai le sentiment d'amitié que ses soins et sa bonté m'avaient inspiré, et je me réjouissais même à l'idée que j'allais vivre près d'elle, puisqu'elle quittait sa résidence et venait s'installer dans notre ville. Le repas fut très gai. Mon oncle en avait chargé Walter, qui, en homme positif, s'entendait à bien manger et qu'il avait commandé à un des meilleurs cuisiniers de louage de Fischhausen. Laura n'avait pas dédaigné de s'en occuper aussi, et la gouvernante l'avait rehaussé de quelques mots italiens de sa façon, fortement épicés et cuits dans un vin généreux. Walter mangea et but comme quatre. Mon oncle s'égaya même au dessert jusqu'à faire quelques madrigaux galants à l'adresse de la gouvernante qui n'avait guère plus de 45 ans. Et il voulut ouvrir la danse avec elle lorsque les jeunes amis de Laura réclamèrent les violons. Je valsais avec ma cousine. Tout d'un coup, il me sembla que sa figure s'animait d'une beauté singulière et qu'elle me parlait avec feu dans le tourbillon rapide de la valse. « Sortons d'ici, » me disait-elle, « on y étouffe, traversons ces glaces qui répercutent le feu des bougies dans un interminable lointain. Ne vois-tu pas que c'est l'image de l'infini et que c'est la route qu'il nous faut prendre? Allons, un peu de courage, un élan, et nous serons bientôt dans le cristal. » Tandis que Laura me parlait ainsi, j'entendais la voix railleuse de Walter qui me criait lorsque je passais près de lui: « Hé, attention, toi, pas si près des glaces. Veux-tu donc briser aussi celle-là? Ce garçon est un véritable hanneton qui va donnant de la tête dans tout ce qui brille. » On servit le punch. Je m'en approchai un des derniers et me trouvai assis près de Laura. « Tiens, » me dit-elle en m'offrant le nectar refroidi dans un beau gobelet de cristal de bohème, « bois à ma santé et montre-toi plus enjoué. « Sais-tu bien que tu as l'air de t'ennuyer et que ta figure distraite m'empêche de m'étourdir comme je le voudrais ? Comment veux-tu que je sois gaie, ma bonne Laura, quand je vois que tu ne l'es pas ? Tu n'aimes pas Walter. Pourquoi se presser d'épouser sans amour, quand l'amour pourrait venir pour lui ou pour un autre ? Il ne m'est pas permis, répondit-elle, d'en aimer un autre, puisque c'est lui que mon père a choisi. » « Tu ne sais pas tout ce qui s'est passé à propos de ce mariage. On t'a jugé trop jeune pour t'en faire part. Mais pour moi, qui suis encore plus jeune que toi, tu n'es pas un enfant. Et puisque nous avons été élevés ensemble, je te dois la vérité. Nous étions d'abord destinés l'un à l'autre, mais tu t'es montré d'abord fort paresseux, ensuite fort pédant, et maintenant, malgré ta bonne volonté et ton intelligence, on ne sait pas bien encore à quelle carrière tu es propre. Je ne te dis pas cela pour te faire de la peine. Je trouve, quant à moi, qu'il n'y a pas encore de temps perdu pour ton avenir. Tu t'instruis, tu es devenu laborieux et modeste. Tu pourras fort bien être un savant universel comme mon oncle ou un savant spécial comme Walter. Mais mon père, qui désire me voir mariée quand il reviendra se fixer près de moi, a chargé mon oncle et ma cousine Lisbeth de me trouver un mari d'un âge assorti au mien, c'est-à-dire un peu plus âgé que toi et occupé d'études très positives. Il met sur le compte de l'ignorance et de l'imagination les commencements malheureux de sa carrière commerciale, et il veut un gendre savant dans quelque industrie. À présent, mon père, las de voyage et d'aventure, paraît satisfait de sa position. Il m'envoie une assez jolie somme pour ma dot, mais il n'a pas voulu s'occuper de mon établissement. Il prétend qu'il est devenu trop étranger à nos usages et que le choix fait par mes autres parents sera meilleur que celui qu'il pourrait faire lui-même ou seulement conseiller. Voilà donc les plans de ma pauvre mère renversés, car elle voulait nous unir, mais elle n'est plus, et il faut bien avouer que la combinaison actuelle assure mieux mon avenir et le tien. Tu ne désires certainement pas entrer si tôt en ménage, et tu n'as ni fortune ni état lucratif, puisque tu ne sais pas même encore quelle est ta vocation. Tu parles de tout cela bien à ton aise, répondis-je. Il est possible qu'on me trouve, avec raison, un peu jeune pour me marier, mais c'est un défaut dont on se corrige par la volonté. Si l'on ne m'eût pas laissé ignorer tout ce que tu me révèles, je n'aurais été ni paresseux ni pédant. Je ne me serais pas laissé entraîner par l'oncle Tungstenius dans l'examen d'hypothèses scientifiques que sa vie et la mienne ne suffiront pas à résoudre, et où d'ailleurs je ne suis peut-être pas porté par un génie spécial et une passion enthousiaste. J'aurais écouté les conseils de Walter, j'aurais étudié la science pratique et l'art industriel, je me serais fait forgeron, mineur, potier, géomètre ou chimiste, mais il n'y a pas encore tant d'années perdues. Ce que mon oncle m'enseigne n'est pas inutile. Toutes les sciences naturelles se tiennent étroitement, et la connaissance des terrains me conduit tout droit à la recherche et à l'exploitation des minéraux utiles. Donne-moi 2 ou 3 ans, Laura, et j'aurai un état, je t'en réponds. Je serai un homme positif. Ne peux-tu m'attendre un peu? Es-tu si pressé de te marier? N'as-tu aucune amitié pour moi? Tu oublies, reprit Laura, une chose bien simple, c'est que dans 3 ans j'aurai aussi bien que toi 3 ans de plus, et que, par conséquent, il n'y aura jamais entre nous la distance d'âge exigée par mon père. Et comme Laura disait cela en riant, je m'emportais contre elle en reproche. Tu ris, lui disais-je, et moi je souffre, mais cela t'est bien égal, tu n'aimes ni Walter ni moi. Tu n'aimes que le mariage, l'idée de t'appeler madame et de porter des plumes sur ton chapeau. Est-ce que, si tu m'aimais, tu ne ferais pas un effort pour réagir contre la volonté d'un père qui n'est probablement pas sans entrailles et qui tient moins à ses idées qu'à ton bonheur? Si tu m'aimais, est-ce que tu n'aurais pas compris que je t'aimais aussi, moi, et que ton mariage avec un autre me briserait le cœur? Tu pleures de quitter ta maison de campagne, et ta cousine Lisbeth, et ta gouvernante Loredana, et peut-être aussi ton jardin, ton chat et tes serins. Mais pour moi, tu n'as pas une larme, et tu me demandes de t'égayer pour que tu oublies tes petites habitudes, où mon souvenir n'est absolument pour rien. Et comme je parlais ainsi avec dépit, en retournant dans ma main crispée et mon verre vide, car je n'osais regarder Laura, dans la crainte de la voir irritée contre moi, je vis tout à coup sa figure se refléter dans une des facettes du cristal de Bohême. Elle souriait, Elle était merveilleusement belle, et j'entendis qu'elle me disait « Sois donc tranquille, grand enfant, ne t'ai-je pas dit que je t'aime? Ne sais-tu pas que notre vie terrestre n'est qu'une vaine fantasmagorie et que nous sommes à jamais unis dans le monde transparent et radieux de l'idéal? Ne vois-tu pas que le moi terrestre de Walter est obscurci par les âcres vapeurs de la houille, que ce malheureux n'a aucun souvenir, aucun pressentiment de sa vie éternelle, et que, tandis que je me plais sur les hauteurs sereines où la lumière du prisme rayonne des feux les plus purs, il ne songe qu'à s'enfouir dans les opaques ténèbres de la stupide anthracite ou dans les sourdes cavernes, où la galène opprime de son poids effroyable tout germe de vitalité, tout essor vers le soleil. Non, non, Walter n'épousera en cette vie que l'abîme, et moi, fille du ciel, j'appartiens au monde de la couleur et de la forme. Il me faut les palais dont les murs resplendissent et dont les aiguilles chatoient dans l'air libre et l'éclat du jour. Je sens autour de moi le vol incessant et j'entends le battement harmonieux des ailes de ma véritable âme, toujours emportée vers les hauteurs. Mon moi humain ne saurait accepter l'esclavage d'un hymen contraire à mes véritables destinées. » Walter m'arracha aux délices de cette vision en me reprochant d'être ivre et de contempler ma propre image dans le cristal enfumé de mon verre. Laura n'était plus à mes côtés. J'ignore depuis combien d'instants elle était partie, mais jusqu'à celui où Walter vint me parler, j'avais vu distinctement sa charmante image dans le cristal. J'essayais d'y voir celle de Walter. Je reconnus avec terreur qu'elle ne s'y dessinait pas et que cette substance limpide repoussait le reflet de mon ami comme si son approche l'eût changé en un bloc de charbon. La soirée s'avançait. Laura s'était remise à danser avec une sorte de frénésie, comme si sa légèreté de caractère eût voulu protester contre les révélations de son être idéal. Je me sentis très fatigué du bruit de cette petite fête, et je me retirai sans qu'on y prît garde. Je demeurai toujours dans une partie de l'établissement séparée du logement de mon oncle par le jardin botanique. Mais comme j'étais passé aide-conservateur du musée à la place de Walter, monté en grade, et que j'exerçais une jalouse surveillance sur les richesses scientifiques confiées à ma garde, je pris le chemin de la galerie minéralogique pour regagner mon domicile. Je me dirigeais le long des vitrines, promenant la clarté de ma bougie sur les casiers sans regarder devant moi, lorsque je me heurtais presque contre un personnage bizarre et de qui la présence en ce lieu, dont j'avais seul les clés, ne laissa pas que de m'étonner beaucoup. « Qui êtes-vous ? » lui dis-je en lui portant ma lanterne près du visage et en lui parlant d'un ton de menace. « Que venez-vous faire ici et par où vous êtes-vous introduit ?»« Apaisez cette grande colère, » me répondit le bizarre inconnu, « et sachez qu'étant de la maison, j'en connais les êtres. » « Vous n'êtes pas de la maison, puisque j'en suis, moi, et que je ne vous connais pas. Vous allez me suivre chez mon oncle Tungstenius pour vous expliquer. »« Alors, mon petit Alexis, » reprit l'inconnu, « car ce ne peut être que toi qui me parles. Tu me prends pour un voleur. Sache que tu te trompes considérablement, vu que les plus beaux échantillons de cette collection ont été fournis par moi, la plupart à titre de don gratuit. » « Certes, ton oncle Tungstenius me connaît, et nous irons le voir tout à l'heure. Mais auparavant, je veux causer avec toi et te demander quelques renseignements. » « Je vous déclare, repris-je, qu'il n'en sera pas ainsi. Vous ne m'inspirez aucune confiance, malgré la richesse de votre costume persan. Et je ne sais ce que signifie un déguisement de ce genre sur le corps d'un homme qui parle ma langue sans aucune espèce d'accent étranger. Vous voulez certainement endormir mes soupçons en feignant de me connaître et vous croyez m'échapper sans que je m'assure. Je crois, le ciel me protège, que tu comptes m'arrêter et me fouiller, » répliqua l'étranger en me regardant avec dédain. Ferveur de novice, mon petit ami. C'est fort bien vu de prendre à cœur les devoirs de son emploi, mais il faut savoir à qui on s'adresse. » En parlant ainsi, il me saisit par le cou avec une main de fer, sans me serrer plus qu'il n'était nécessaire, pour m'empêcher de crier et de me débattre. Il me fit sortir de la galerie dont je trouvais les portes ouvertes, et il me conduisit jusque dans le jardin sans me lâcher. Là, il me fit asseoir sur un banc et s'assit à mes côtés, en me disant avec un rire aussi étrange que sa figure, son habit et ses manières, « Ah ça, fais-moi le plaisir de me reconnaître et de demander pardon à ton oncle Nasia de l'avoir pris pour un crocheteur de porte. Reconnais en moi l'ex-mari de ta tante Gertrude et le père de Laura. Vous ? M'écriai-je. Vous ? Nasia est mon nom à l'étranger, répondit-il. J'arrive du fond de l'Asie où j'ai fait, grâce à Dieu, d'assez bonnes affaires et d'assez précieuses découvertes. Apprends que je suis domicilié maintenant à la cour de Perse, où le souverain me traite avec la plus grande considération, à cause de certaines raretés que je lui ai procurées, et que, si je me dérange de mes grandes occupations pour venir ici, ce n'est pas dans l'intention de dérober à votre petit musée quelques misérables gemmes dont le moindre raja de l'Inde ne voudrait pas pour orner les doigts de pied ou le nez de ses esclaves. Laissons cela, et dis-moi si ma fille est mariée. Elle ne l'est pas, répondis-je avec impétuosité, et elle ne le sera pas encore si vous consultez sa véritable inclination. Mon oncle Nasia prit ma lanterne qu'il avait posée près de nous sur le banc et me la porta au visage, comme j'avais fait envers lui quelques instants auparavant. Sa figure n'était pas précisément menaçante comme avait été la mienne. Elle était plutôt railleuse, mais avec une expression d'ironie glacée, implacable, navrante. Comme il me contemplait à son aise, j'eus dans mon angoisse le loisir de l'examiner aussi. Dans mes souvenirs d'enfance, le père de Laura était un homme gras, blond, vermeil, d'une figure douce et riante. Celui que j'avais devant les yeux était maigre, olivâtre, d'un type à la fois énergique et rusé. Il portait sous le menton une petite barbe très noire qui ressemblait assez à celle d'une chèvre, et ses yeux avaient acquis une expression satanique. Il était coiffé d'un haut bonnet de fine fourrure, d'un noir de jais, et vêtu d'une robe chamarrée d'or et de broderies d'une richesse incomparable. Un magnifique cachemire de l'Inde ceignait sa taille, et un yatagan couvert de pierreries étincelait à son côté. Je ne sais si le soleil de l'Orient, les grandes fatigues des voyages, l'habitude des grands périls et la nécessité d'une vie mêlée de ruse et d'audace l'avaient transformé à ce point, ou si mes souvenirs étaient complètement infidèles. Il m'était impossible de le reconnaître, et je restais dans le doute si je ne me trouvais pas aux prises avec un imposteur effronté. Ce soupçon me donna la force de soutenir son regard acéré, avec une fierté dont il se montra tout à coup satisfait. Il reposa la lanterne sur le banc et me dit d'un ton calme : « Je vois que tu es un honnête garçon et que tu n'as jamais cherché à séduire ma fille. Je vois aussi que tu es un naïf, un sentimental, et que, si tu l'aimes, ce n'est point par ambition. Mais, d'après tes paroles, tu es amoureux et tu voudrais bien me voir rompre le mariage auquel j'ai consenti pour elle. Mets-toi bien dans l'esprit, mon cher neveu, que, si je le rompais, ce ne serait pas à ton profit, car tu n'es qu'un enfant, et je ne trouve dans ta figure aucune énergie spéciale qui promet une destinée brillante. Réponds-moi donc avec désintéressement, tu n'as rien de mieux à faire, et avec sincérité, puisque le hasard t'a fait naître honnête homme. Qu'est-ce que ce Walter, dont mon beau-frère Tungstenius et sa cousine Lisbeth m'ont écrit un si grand éloge ? Walter, répondis-je sans hésiter, est le plus digne garçon du monde. Il est franc, loyal et d'une conduite irréprochable. Il a de l'intelligence, du savoir et l'ambition de se distinguer dans la science pratique. Et il a une profession. Il va en avoir une dans 6 mois. Fort bien, répliqua mon oncle Nasia. C'est le gendre qui me convient. Mais il aura la bonté d'attendre qu'il ait réellement le titre de son emploi. Je ne suis pas homme à changer d'idée, et je vais sur le champ le lui déclarer tout en faisant connaissance avec lui. Quant à toi, dépêche-toi d'oublier Laura, et si tu veux devenir en peu de temps hardi, intelligent, riche et actif, apprête-toi à me suivre. Je repars dans 2 jours, et il ne tient qu'à toi que je t'emmène. Allons maintenant voir si la famille me reconnaîtra et me fera un meilleur accueil que le tien. » Je ne me sentis pas le courage de le suivre. J'étais brisée par la fatigue. Mon oncle Nasia était loin de m'être sympathique et n'annonçait point devoir être favorable à mes espérances. Mais le mariage de Laura était retardé et il me semblait qu'en 6 mois, d'immenses événements pouvaient survenir et changer la face des choses. Quand je m'éveillai aux premières lueurs du jour, je fus surpris de voir Nasia dans ma chambre, étendue dans mon vieux fauteuil de cuir, et si profondément endormie que j'eus le loisir de faire ma toilette avant qu'il eût ouvert les yeux. Il était tellement immobile et livide dans le crépuscule du matin que, si je l'eusse vu pour la première fois ainsi, il m'eût effrayé comme un spectre. Je m'approchai de lui et le touchai. Il était singulièrement froid, mais il respirait très régulièrement et d'une façon si paisible que sa figure inquiétante en était toute modifiée. Il paraissait ainsi le plus calme des trépassés, et sa laideur étrange avait fait place à une étrange beauté. Je me disposais à sortir sans bruit pour aller vaquer à mes occupations lorsqu'il s'éveilla de lui-même et me regarda sans hostilité ni dédain. « Tu es surpris, me dit-il, de me voir dans ta chambre, mais sache que depuis plus de 10 ans, je ne me suis pas étendu dans un lit. Cette manière de dormir me serait insupportable. » C'est tout au plus si, de temps à autre, en mes jours de paresse, je me couche dans un hamac de soie. En outre, habitué à une escorte, je n'aime pas à dormir seul. J'ai trouvé hier au soir la porte de ta chambre entr'ouverte, et au lieu d'aller m'étouffer dans l'édredon que Laura m'avait fait préparer en plein été, je suis entré chez toi, et j'ai pris possession de ce fauteuil de cuir qui me convient beaucoup. Tu ronfles un peu fort, mais j'ai cru dormir au rugissement des lions qui rôdaient autour de mes bivacs, et tu m'as rappelé des nuits d'émotions assez agréables. Je suis heureux, mon oncle, lui répondis-je, que mon fauteuil et mon ronflement vous agréent, et je vous prie d'en disposer aussi souvent qu'il vous plaira. Je veux te rendre ta politesse, reprit-il. Viens maintenant dans ma chambre, j'ai à te parler. Quand nous fûmes dans l'appartement que l'oncle Tungstenius lui avait fait préparer, et qui était le plus beau de l'établissement, il me montra son bagage dont l'exiguïté me surprit. Le tout consistait en une robe et un bonnet de rechange, avec une petite caisse de linge de corps en foulard jaune et une cassette de bronze encore plus petite. « Voilà, me dit-il, la manière de voyager sans embarras d'un bout à l'autre de notre planète. Et quand tu auras adopté mes habitudes, tu verras qu'elles sont excellentes. Il faudra commencer par maigrir et par perdre les roses criardes de ton teint germanique, et pour cela il n'est pas de meilleur régime que de manger peu, de dormir tout habillé sur le premier siège venu, et de ne jamais s'arrêter plus de 3 jours sous le même toit. Mais avant de me charger de ton sort, ce qui n'est pas une médiocre faveur à te faire, je veux quelques explications sincères, et tu vas me répondre comme si tu étais devant... Devant qui, mon cher oncle? Devant le diable, prêt à te rompre les os en cas de mensonge, répondit-il en reprenant son sourire méchant et son regard infernal. Je n'ai pas l'habitude de mentir, lui dis-je. Je suis un honnête homme et je ne fais pas de serment. Très bien, alors réponds. Qu'est-ce que cette histoire de vitrine cassée, d'hallucination, de voyage dans le cristal, dont mon beau-frère, durant ta maladie d'il y a 2 ans, m'avait écrit quelque chose d'assez embrouillé que je me suis fait raconter hier soir par Laura. Est-il vrai que tu aies voulu entrer par la pensée dans une géode tapissée de cristaux d'améthyste, que tu aies cru y entrer réellement et que tu y aies vu la figure de ma fille ? Tout cela est malheureusement vrai, répondis-je. J'ai eu une vision extraordinaire. J'ai brisé une vitrine, je me suis fait une blessure à la tête, j'ai eu la fièvre, j'ai raconté mon rêve avec la conviction qu'il m'avait laissé, et pendant quelque temps on m'a cru fou. Pourtant, mon oncle, je ne le suis pas. Je suis guéri, je me porte bien, je travaille à la satisfaction de mes professeurs, je n'ai point une conduite extravagante. Et rien ne m'eût rendu indigne d'être l'époux de Laura si vous n'eussiez donné l'autorisation de l'engager à un autre qui désire médiocrement sa main, tandis que moi. Il ne s'agit pas de Laura, dit l'oncle Nasia avec un geste d'impatience. Il s'agit de ce que tu as vu dans le cristal. Je veux le savoir. Vous voulez m'humilier, je le vois bien, me faire dire que je n'ai pas ma raison, afin de me prouver ensuite, par mes propres aveux, que je ne peux pas épouser Laura. Encore Laura ? S'écria Nasia en colère. Vous m'ennuyez avec vos niaiseries. Je vous parle de choses sérieuses. Il faut me répondre. Qu'avez-vous vu dans le cristal ? Puisque vous le prenez ainsi, lui dis-je, irrité à mon tour, ce que j'ai vu dans le cristal est plus beau que ce que vous avez vu et verrez jamais dans le cours de vos voyages. Vous voilà bien fier et bien impérieux parce que vous avez visité peut-être l'Océanie ou franchi l'Himalaya. Jeu d'enfant, mon cher oncle, joujou de Nuremberg en comparaison du monde sublime et mystérieux que j'ai vu comme je vous vois et que j'ai parcouru, moi qui vous parle. À la bonne heure, voilà comment il faut parler. Reprit mon oncle, dont la figure courroucée était redevenue suave et caressante. « Allons, raconte, mon cher Alexis, je t'écoute. » Surpris de l'intérêt qu'il prenait à mon aventure, et au risque d'être engagé par lui dans un piège, je cédai au plaisir de raconter ce qui avait laissé en moi un souvenir si cher et si précis, ce que personne encore n'avait daigné écouter sérieusement. Je dois dire que j'eus cette fois un auditeur incomparable. Ses yeux brillaient comme 2 diamants noirs, sa bouche entr'ouverte semblait boire avidement chacune de mes paroles. Il bondissait avec enthousiasme, m'interrompait par des cris de joie qui ressemblaient à des rugissements, se tordait comme une couleuvre avec des éclats de rire convulsifs, et quand j'eus fini, il me fit recommencer et nommer chaque station de mon voyage, chaque aspect du pays fantastique, en me demandant la distance relative, l'étendue, la hauteur, l'orientation de chaque montagne et de chaque vallée, comme s'il se fût agi d'une contrée réelle et possible à parcourir autrement que sur les ailes de l'imagination. Quand il eut cessé de s'écrier et que je crus pouvoir lui parler raison, « Mon cher oncle, repris-je, vous me faites l'effet d'un esprit bien exalté, permettez-moi de vous le dire. Que ce pays existe quelque part dans l'univers, je ne peux pas en douter, puisque je l'ai vu et que je peux le décrire. Mais qu'il soit utile de le chercher sur notre planète, voilà ce que je ne saurais croire. Nous n'avons donc pas à en trouver le chemin ailleurs que dans les facultés divinatoires de notre esprit et dans l'espérance de l'habiter un jour si notre âme est aussi pure que le diamant, emblème de sa nature incorruptible. « Mon cher enfant, répondit l'oncle Nasia, tu ne sais de quoi tu parles. Tu as eu une révélation et tu ne la comprends pas. Tu ne t'es pas dit que notre petit globe était une grosse géode, dont notre écorce terrestre est la gangue, et dont l'intérieur est tapissé de cristallisations admirables, gigantesques, eu égard à ces petites aspérités de la surface, que nous appelons des montagnes, et qui ne forment pas plus de saillies relatives que n'en offrent les rugosités d'une peau d'orange par rapport à la grosseur d'une citrouille. C'est ce monde que nous appelons souterrain qui est le véritable monde de la splendeur. Or, il existe certainement une vaste partie de la surface, encore inconnue à l'homme, où quelques déchirures ou déclivités profondes lui permettraient de descendre jusqu'à la région de Gem et de contempler à ciel ouvert les merveilles que tu as vues en rêve. Voilà, mon cher neveu, l'unique rêve de ma vie à moi, l'unique but de mes longs et pénibles voyages. J'ai la conviction que cette déchirure, ou plutôt cette crevasse volcanique dont je te parle, existe au pôle, qu'elle est régulière et offre la forme d'un cratère de quelques centaines de lieues de diamètre et de quelques dizaines de lieues de profondeur. Enfin, que l'éclat des amas de gemmes apparentes au fond de ce bassin est l'unique cause des aurores boréales, ainsi que ton rêve te l'a bien clairement démontré. Ce que vous dites là, mon cher oncle, n'est fondé sur aucune saine notion géologique. Mon rêve m'a présenté en grand des formes connues, des formes que les échantillons minéralogiques mettaient en petit sous mes yeux. De là l'espèce de logique qui m'a conduit dans le monde enchanté du système cristallo-géodique. Mais que savons-nous de la conformation intérieure de notre planète? Nous sommes aussi certains que possible d'une seule chose, c'est qu'à 30 ou 33 kilomètres de profondeur, la chaleur est si intense que les minéraux n'y peuvent exister qu'à l'état fusible. Comment, à supposer qu'on pût y descendre, serait-il donc possible à l'homme de n'être pas calciné en route, état que, vous en conviendrez, n'est pas favorable à l'exercice de ses facultés d'observation? Quant aux aurores boréales, tu es un écolier qui veut faire l'esprit fort, reprit mon oncle. Je te pardonne cela, c'est ainsi qu'on vous instruit, et je sais d'ailleurs que le fameux Tungstenius prétend tout expliquer sans tenir compte des instincts mystérieux qui sont plus puissants chez certains hommes que ces facultés d'observation trompeuses dont ton oncle est si vain. Sépare-toi dès aujourd'hui des arides dissertations de mon beau-frère et n'écoute que moi si tu veux t'élever au-dessus d'un vulgaire pédantisme. Tu es un voyant naturel, ne torture pas ton esprit pour le rendre aveugle. Sache que je suis un voyant, moi aussi, et que, devant les sublimes clartés de mon imagination, je me soucie fort peu de vos petites hypothèses scientifiques. Des hypothèses, des analogies, des inductions, la belle affaire. Je vous en ferai par milliers, moi, des hypothèses, et toutes bonnes, bien que se contredisant les unes les autres. Voyons. Que signifie votre intensité du calorique et vos matières minéralogiques en fusion à 33 kilomètres de profondeur? Vous procédez du connu à l'inconnu et vous croyez saisir ainsi la clé de tous les mystères. Vous savez qu'à la profondeur de 40 mètres, la chaleur est de 11 degrés et qu'elle augmente d'un degré centigrade par 33 mètres. Vous faites un calcul et vous raisonnez sur ce qui se passe à 2 ou 3 000 kilomètres plus bas, sans songer que cette chaleur constatée par vous n'est peut-être due qu'à la rareté de l'air au fond d'un puits, tandis que dans les grandes dislocations intérieures qui vous sont inconnues, circulent peut-être des masses d'air, des ouragans considérables qui ont, depuis des milliers de siècles, alimenté certains foyers volcaniques lorsque sur d'autres points ils avaient, avec l'aide des eaux, éteint à jamais l'énergie du prétendu foyer central. Vous savez d'ailleurs que cette chaleur centrale n'est en rien nécessaire à l'existence terrestre, puisque toute vie à la surface est l'œuvre exclusive du soleil. Donc, votre noyau en fusion est une pure hypothèse dont je ne m'embarrasse guère et que d'ailleurs je paralyse localement dans la supposition d'une ouverture vers les pôles. Pourquoi, si les pôles sont nécessairement aplatis en raison de la force centripète qui agit sur eux d'une manière continue, ne serait-il pas creusé plus profondément qu'on ne le suppose par la réaction de la force centrifuge agissant toujours vers l'équateur? Et si les pôles sont creusés jusqu'à la profondeur de 33 kilomètres, ce qui est en réalité une misère, comment la chaleur y subsisterait-elle depuis le temps que le fond de cet abîme est en contact avec le climat glacé de la région qu'il occupe? Permettez, mon oncle, vous parlez de climat glacé au pôle. Vous n'ignorez pas que l'on croit aujourd'hui à l'existence d'une mer libre au pôle Nord. Les voyageurs qui ont pu en approcher y ont vu flotter des brumes et voler des oiseaux, indice certain d'une masse d'eau dégagée des glaces, et jouissant par conséquent d'une température supportable. Donc, s'il y a là une profondeur notable, il y a nécessairement une mer. Et s'il y a une mer ou seulement un lac, il n'y a pas de cratère où l'on puisse descendre. Et votre hypothèse, car c'en est bien une plus hasardée que toutes celles de la science, tombe dans l'eau, c'est le cas de le dire. « Mais imbécile que tu es !» reprit avec une colère brutale l'oncle Nasia. « Tout bassin maritime est un cratère, je ne dis pas volcanique, mais un cratère, une croupe d'origine ignée, et si tu crois à l'existence d'une mer polaire, tu m'accordes la nécessité d'une immense excavation pour la contenir. Reste à savoir si cette excavation est vide ou remplie d'eau. » Moi, je dis qu'elle est vide, parce qu'un foyer d'expansion quelconque la vide sans cesse, et qu'elle donne passage aux phénomènes électriques des aurores boréales, phénomènes dont je sais bien que tu voulais me parler. J'admets qu'elle exhale une douce chaleur, car je t'accorde, si tu y tiens absolument, un noyau igné situé au centre et très loin de la cristallisation géodique à laquelle je me flatte de parvenir. Oui, je m'en flatte et je le veux. J'ai assez parcouru le monde équatorial pour être bien certain que la surface terrestre est très pauvre en gemmes, même dans ces contrées relativement riches, et ma résolution est prise d'aller explorer celle où la force centripète retient et concentre leur incommensurable gisement, tandis que la force centrifuge ne fait que repousser vers l'équateur de misérables débris arrachés aux flancs appauvris de la planète, comme ces esquilles d'eau brisée que rejettent les blessures tuméfiées de l'homme. J'avoue que mon oncle Nasia me parut complètement fou et que, craignant de le voir entrer dans quelque accès de fureur, je n'osais plus le contredire. « Expliquez-moi donc, lui dis-je, pour changer un peu la marche de la conversation, quel intérêt si puissant, quelle curiosité si ardente vous pousse à la recherche de ces gisements de gemmes que je ne veux pas qualifier d'imaginaires, mais que vous me permettrez de croire difficiles à atteindre. « Tu le demandes ! » s'écria-t-il avec véhémence. « Ah, c'est que tu ne connais ni ma volonté, ni mon intelligence, ni mon ambition. C'est que tu ignores par quelles spéculations patientes et immenses. Je vais te l'apprendre. Tu sais que je suis parti, il y a 15 ans, comme commis d'une maison qui faisait le commerce de la bijouterie de pacotille avec les naïves populations de l'Orient. Nos élégantes montures en chrysocale et la taille chatoyante de nos petits morceaux de verre charmaient les yeux des femmes et des guerriers demi-sauvages qui m'apportaient en échange d'antiques bijoux d'une valeur incontestable et de véritables pierres fines d'un très grand prix. Permettez-moi de vous dire, mon cher oncle, que ce commerce-là... Le commerce est le commerce, reprit mon oncle sans me donner le temps d'exprimer ma pensée, et les braves gens à qui j'avais affaire croyaient fermement de leur côté me prendre pour dupe. En de certaines localités où les gemmes se trouvent, ils pensaient, en me donnant un caillou ramassé sous leurs pieds, se moquer de moi bien plus que je ne me moquais réellement d'eux en leur donnant en échange d'une gemme qui ne leur coûtait rien, un produit de notre industrie européenne qui, en somme, valait quelque chose. Ils s'étonnaient même de ma libéralité, et quand je la voyais sur le point de leur devenir suspecte, je jouais la folie, la superstition ou la poltronnerie. Mais je passe rapidement sur ces détails. Il te suffira de savoir que, du petit peuple, je passais assez vite au petit souverain, et que mes cristaux montés en cuivre leur tournèrent également la tête. De succès en succès et d'échanges en échanges, j'arrivais à posséder des gemmes d'une grande valeur et à pouvoir m'adresser aux riches des contrées civilisées. Alors je rendis à ma maison de commerce bon compte de ma mission. Je lui assurai d'utiles relations avec des peuples barbares que j'avais visités, et sans cesser de lui être utile, je me créai pour mon compte une autre industrie qui fut de vendre ou de troquer de véritables pierres précieuses. À ce métier, je suis devenu un savant lapidaire et un brocanteur habile. J'ai fait ma fortune. Je pourrais donc me reposer désormais, avoir un palais à Ispahan ou à Golconde, une villa au pied du Vésuve ou un château féodal sur le Rhin, et manger mes rentes d'une façon princière, sans m'inquiéter du pôle nord ou sud et sans m'occuper de ce qui se passe dans ta cervelle. Mais je ne suis pas l'homme du repos et de l'insouciance. La preuve, c'est qu'en apprenant ta vision, j'ai résolu de tout quitter au risque d'encourir la disgrâce du chat de Perse pour venir ici t'interroger. Et aussi pour vous occuper du mariage de votre fille. Le mariage de ma fille est un détail. Je n'ai jamais vu ma fille dans le cristal. Et je t'y ai vu, toi. Moi? Vous m'y avez vu? Vous y voyez donc aussi? Belle demande! Sans cela, croirais-je à ta vision? Le cristal, vois-tu, et par cristal j'entends toute substance minéralogique bien et dûment cristallisée, n'est pas ce que pense le vulgaire. C'est un miroir mystérieux qui, à un moment donné, a reçu l'empreinte et reflété l'image d'un grand spectacle. Ce spectacle fut celui de la vitrification de notre planète. Dites cristallisation si vous voulez, se met tout un. La cristallisation est, selon vous, l'action par laquelle les molécules intégrantes d'un minéral se réunissent après avoir été dissoutes dans un fluide. Que ce fluide soit brûlant ou glacé, peu m'importe, et je déclare qu'à l'égard des substances primitives, vous n'en savez pas plus long que moi. Moi, j'admets l'ignition du monde primitif. Mais si je t'accorde l'existence d'un foyer encore actif, je déclare qu'il brûle au centre d'un diamant qui est le noyau de la planète. Or, entre cette gemme colossale et la croûte des granites qui lui servent de gangue, s'ouvrent des galeries, des grottes, des intervalles immenses. C'est l'action d'un retrait qui a laissé certainement de grands vides, et ces vides, quand le calme s'y est rétabli, se sont remplis des gemmes les plus admirables et les plus précieuses. C'est là que le rubis, le saphir, le béryl et toutes ces riches cristallisations de la silice, combinées avec l'alumine, c'est-à-dire tout bonnement du sable avec l'argile, se dressent en piliers gigantesques ou descendent des voûtes en aiguilles formidables. C'est là que la moindre pierrerie dépasse la dimension des pyramides de l'Égypte, et celui qui verra ce spectacle sera le plus fortuné des lapidaires et le plus illustre des naturalistes. Or donc, ce monde cristallin, je l'ai vu dans une parcelle échappée du trésor, dans une gemme merveilleuse qui m'a montré ton image en même temps que la mienne, de même que tu as vu celle de Laura et la tienne propre dans une autre gemme. Ceci est une révélation d'un ordre extra-scientifique qui n'est pas donné à tout le monde et dont j'entends profiter. Il est évident pour moi que nous possédons tous deux un certain sens divinatoire qui nous vient de Dieu ou du diable, peu importe, et qui nous pousse irrésistiblement à la découverte et à la conquête du monde sous-terrestre. Ton rêve plus complet et plus lucide que les miens précise admirablement ce que j'avais pressenti, c'est que la porte du souterrain enchanté est au pôle, et comme le pôle nord est le moins inaccessible, c'est vers celui-là qu'il faut nous diriger au plus vite. Permettez-moi de respirer, mon cher oncle, m'écriai-je à bout de patience et de politesse. Ou vous vous moquez de moi, ou vous mêlez à quelques notions scientifiques très incomplètes les chimères puériles d'un cerveau malade. Nasia n'éclata point comme je m'y attendais. Sa conviction était si entière qu'il se contenta cette fois de rire de mon incrédulité. « Il faut en finir, » dit-il. « Il faut que je constate un fait. Ou tu vois dans le cristal, ou tu n'y vois pas. Ou ton sens idéal subsiste en dépit des sottises de ton éducation matérialiste, ou ces sottises l'ont éteint en toi par ta faute. Dans ce dernier cas, je t'abandonne à ta misérable destinée. Apprête-toi donc à subir une épreuve décisive. » « Mon oncle, » répondis-je avec fermeté, « il n'est pas besoin d'épreuves. Je ne vois pas, je n'ai jamais vu dans le cristal. J'ai rêvé que j'y voyais la représentation de mes fantaisies. C'est une maladie que j'ai eue et que je n'ai plus, je le sens, du moment que vous voulez me démontrer l'évidence de ces 20 fantômes. Je vous remercie de la leçon que vous avez bien voulu me donner et je vous jure qu'elle me profitera. » Permettez-moi d'aller travailler et de ne jamais reprendre un entretien qui me deviendrait trop pénible. « Tu n'échapperas pas à mon investigation !» s'écria Nasia en me regardant avec ironie essayer d'ouvrir sa porte, dont il avait préalablement, et sans que j'y fisse attention, retiré la clé. « Je ne me paye pas de défaite, et je ne suis pas venu du fond de la Perse pour m'en aller sans rien savoir. N'essaie pas de te soustraire à mon examen, c'est fort inutile. Qu'exigez-vous donc et quel secret prétendez-vous m'arracher? J'exige une chose fort simple, c'est que tu regardes l'objet contenu dans cette petite boîte. » Il ouvrit alors avec une petite clé qu'il portait sur lui le coffret de bronze que j'avais déjà remarqué, et il plaça devant mes yeux un diamant d'une blancheur, d'une pureté, d'une grosseur si prodigieuse qu'il me fut impossible d'en soutenir l'éclat. Il me sembla que le soleil levant entrait dans la chambre par la fenêtre et venait se concentrer dans ce brillant avec toute la puissance de son rayonnement matinal. Je fermai les yeux, mais ce fut inutile. Une flamme rouge remplissait mes pupilles. Une sensation de chaleur insupportable pénétrait jusque dans l'intérieur de mon crâne. Je tombais comme foudroyé, et j'ignore si je perdis connaissance ou si je vis dans le reflet de cette gemme embrasée quelque chose dont je fusse capable de rendre compte. Il y a une grande lacune à cet endroit dans ma mémoire. Il m'est impossible d'expliquer l'influence qu'à partir de cet événement mystérieux, Nasia exerça sur moi. Je ne fis plus à ce qu'il faut croire aucune objection à son étrange utopie, et ses fantasques aperçus géologiques m'apparurent sans doute comme des vérités d'un ordre supérieur qu'il ne m'était plus permis de discuter. Décidé à le suivre aux limites du monde, j'obtins seulement de lui qu'il imposerait à mon oncle Tungstenius l'obligation de ne pas disposer de la main de Laura avant notre retour, et de mon côté, je m'engageai à ne confier à personne, soit au moment des adieux, soit par lettre subséquente, le but du gigantesque voyage que nous allions entreprendre. Voilà du moins, je le présume, ce qui se passa entre mon oncle Nasia et moi, car, je le répète, tout est confus pour moi dans la journée qui s'écoula entre la scène que je viens de rapporter et notre départ. Je crois me rappeler que je passais cette journée couchée sur mon lit et anéantie par la fatigue, que le lendemain, à la pointe du jour, Nasia m'éveilla, me posa sur le front je ne sais quelle amulette invisible qui me rendit spontanément mes forces, et que nous quittâmes la ville sans prévenir personne et sans emporter les souhaits et les bénédictions de la famille, enfin que nous gagnâmes rapidement le port de Kiel, où nous attendait un navire appartenant à mon oncle et tout équipé en vue d'un voyage au long cours dans les mers polaires.